Toujours à la même occasion, le corps diplomatique en Corée a offert une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations au maréchal Kim Jong-un. L'ambassadeur palestinien Ismail Ahmad Mohamed Hassan, doyen du corps diplomatique, les a remises au ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-ho.